Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui, comme tous les jours du lundi au vendredi, tout cet été, on va écouter une chanson. C'est notre émission été.mp3 et on va écouter du Bartas, je crois que ça se dit. Voilà, retour en Gascogne aujourd'hui avec la chanson Chim Boum Boum sur leur cinquième album sorti en 2016. Album qui s'appelle simplement Cinq ou Chink. Ça se prononce différemment, il me semble, selon l'endroit, qui veut dire simplement cinq. On écoute ça, c'est du Bartas. Vestit burit in faixa de peleo, oggi bum bum, l'urei perut. Entre canale galo, ai shirurei, oggi bum bum, misho nascut. A carcassuno entre galo e canal, sin canto pas, gara kita nasiu, tan picciuno. A Carcassuna entregaro e canal, sin canto pas, garachita nasiu, tan picciuno. Fas pertum cun te de pau ne fas tum pru, watchim bum bum, pulit mestiem. Tasso che pot pascare già lo munde, lo porto fai dal mundo entier. Cim bum bum benna chi per m'aggiuda, tu giucchi con che te careva la Paura mulo. Cim bum bum benna chi per m'aggiuda, tu giucchi con che te careva la Paura mulo. A chi ruspumpies che te ben un luga, oggi bum bum, pulit mestier. Trappar un mordi in laigo per utira, e meru in cop, tutte in dise. Desulla tu temba sei eu de mori, a eu de biure, e a tu de muri, a di paure, a di paure. Desulla tu temba sei eu de mori, a eu de biure, e a tu de muri, a di paure. Ari paure. Alla comune temba sperte luca, oggi bum bum, pulit mestier. Se sbarru l'aire spod un tremra, chos un artisto semparie. Attention la canto gus, e barazz lus, ai scinucci bum bum, brave munde. Attention la canto gus, e barazz lus, ai scinucci bum bum, brave munde. Alla cumino lus pod un pasgadra, oggi bum bum, pulit mestiem. Crepa lus gusses, bum bum bum, din lucap, e beur in cop, tutte nise. Desulla tu temba se eu de mori, a eu de biure, e a tu de muri, ari paure. Tu temba sei eu de mori, ai eu de biure, e a tu de muri, ari paure. Catrinale maga tirat, oggi bum bum, lu paure bus. pas complicade se n'a brucia, però plavier e pas grentus a Carcassuna entregare canal sin canto pas l'upudio pas manca adiu paure adiu paure a Carcassuna entregare canal sin canto pas l'upudio pas manca adiu paure adiu paure adiu paure adiu paure adiu paure adiu paure. Chim Boom Boom du groupe du Bartas, sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, c'est ça, sur l'album Sink Chink, le cinquième album du groupe, qui a fait son dernier concert, il me semble, en 2021, après avoir sorti un sixième album. Voilà, un quintet avec plusieurs instruments, chacun fait plusieurs instruments, je vais pas vous détailler tout le truc, mais là ce qu'on peut entendre, c'est, il me semble qu'il y a deux percussions, un accordéon, un violon et donc toutes les voix après. Voilà, parce qu'à la base c'est parti, ce groupe-là était un trio, il s'est ensuite étoffé de deux autres membres, mais la voix reste, j'ai l'impression en tout cas, l'instrument principal. Voilà, ça va permettre de faire souvent des polyphonies comme ça, avec assez peu d'instruments finalement derrière. C'est vraiment, pour le coup, vraiment seulement un accompagnement la plupart du temps, les instruments. Et par contre, il y a souvent des percussions comme ça qui seront utilisées et pas simplement une batterie traditionnelle, entre guillemets. Voilà pour De Bartas, sorti en 2016, cette chanson. Si vous voulez en écouter plus, ben vous pouvez aller sur radionoculture.wordpress.com, puisque j'ai fait un chronobio sur ce groupe, dans lequel on écoutait, je ne sais plus, une chanson, je crois, ou deux chansons de chaque album. Voilà, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour suivre toutes les actualités de la radio et puis voir surtout voir les émissions, tout ça, quand elles sortent et tout, c'est important. Voilà, cette chanson Chim Boom Boom de Bartas, que vous pouvez retrouver à peu près partout sur YouTube, en tout cas tout ça est accessible. Cette chanson-là est sortie en 2016, c'était De Bartas. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio No Culture, j'ai failli oublier le nom de la radio, sur Radio No Culture évidemment, dans été.mp3, votre émission qui fait découvrir, j'espère, une bonne chanson tous les jours, du lundi au vendredi, pendant tout l'été. Et aujourd'hui, on va partir sur le plus grand groupe de tout le temps. Voilà, rien que ça, je m'en fiche, je l'ai dit, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je m'en fiche, moi je dis les vrais mots. Aujourd'hui, on va écouter évidemment les Beatles avec une chanson sortie en 68 et qui s'appelle « While My Guitar Gently Weeps ». Voilà, c'est les Beatles quoi. The love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know how were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look from the wind at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. While My Guitar Gently Weeps des Beatles. C'est peut-être pas la chanson que vous attendiez quand j'ai dit les Beatles, et pourtant ben, c'est parce qu'on est là pour aussi connaître des trucs qui sont pas forcément les plus connus. Bon, après voilà, c'est la chanson des Beatles, donc bon, faut pas y conner sur le côté pas très connu, mais c'est une chanson donc composée en 68 par George Harrison, le plus sous-estimé des Beatles. Pourtant il a fait vraiment des super chansons comme celle-là. Alors la version qu'on vient d'écouter n'est pas la version originale, c'est une version réorchestrée pour le spectacle du Cirque du Soleil qu'il joue à Las Vegas depuis, enfin à l'époque qu'il jouait, je ne sais pas si ça s'arrêtait depuis 10 ans, voilà, qui est basé sur des mash-ups, c'est-à-dire sur des mélanges de chansons des Beatles. Voilà, spectacle, pour avoir vu quelques extraits sur YouTube, qui a l'air assez fabuleux. Donc une réinterprétation de cette fabuleuse chanson composée par George Harrison, je le rappelle, et sur laquelle c'est Eric Clapton qui est venu faire le petit solo guitare. Eric Clapton, que vous connaissez sûrement comme étant un super guitariste, peut-être certains concerts comme le meilleur guitariste de tous les temps. Voilà, c'était un très grand copain de George Harrison et des Beatles en général. Il était venu, voilà, durant une session jouer sur cette chanson-là. Voilà, le titre d'ailleurs la chanson tout entière est un peu un défi que s'est lancé George Harrison. Il voulait partir de quelque chose d'inconnu, donc il a ouvert un livre, je ne me souviens plus lequel, et il est tombé sur les mots gently weeps, pleure gentiment, et il est parti de ces deux mots pour composer cette chanson là qui aussi est assez facile à jouer. Voilà, si vous avez une guitare, vous verrez que c'est assez facile à jouer. Sur la plupart des chants des Beatles, ce ne sont pas des grosses compositions techniques, c'est surtout que musicalement ils défoncent, quoi. Voilà, j'espère que vous avez peut-être découvert une chanson des Beatles que vous ne connaissez pas encore. Moi, j'ai découvert ça assez tard, c'était 2016 je crois, quand j'ai vu le film Kubo et l'armure magique, Kubo and the Two Strings, je crois c'est en anglais, qui est un film d'animation en stop motion, c'est-à-dire image par image, vous savez, avec les petites marionnettes en pâte à modeler. Alors, je sais plus si c'est pâte à modeler, mais vous voyez l'idée, qu'on fait bouger, on prend une photo, on refait bouger, etc., et on fait un film entier avec. Donc ça prend évidemment énormément de temps, mais le rendu est vraiment cool, et le film est vraiment très très bien. Je sais pas s'il avait beaucoup marché à l'époque, j'ai pas l'impression. Kubo et l'armure magique, Kubo ça s'écrit K-U-B-O, voilà, vraiment précipitez-vous dessus, c'est vraiment un très joli petit film. Et donc c'est dans cette chanson, c'est dans ce film là que j'ai découvert cette chanson là c'était donc les Beatles avec While My Guitar Gently Weeps dans été.mp3. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Radio No Culture. Aujourd'hui, encore une fois, on va écouter une chanson comme tous les jours, tout cet été, à part le week-end parce qu'il faut se reposer. Aujourd'hui, on écoute les Ramoneurs de Menhir avec Menez Dao, c'est sorti en 2010. fai cortesia, mi svolta male. Alla pure cortesia, mi svolta male. Donde tutti i danni venga, la ragazza la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Les Ramoneurs de Menhir avec Menez Dao, une chanson qui est sortie en 2010, si je dis pas de bêtises, oui, ça, 2010, sur leur album Amzer an Dispar, je sais plus, j'ai pris un petit cours une fois de basse bretonne, mais j'avoue que c'était un petit moment que j'ai un peu oublié, il me semble que c'est Amzer an Dispar. Donc, Menez Dao sur cet album-là, il me semble que c'est le troisième album du groupe et vous aurez peut-être reconnu la fougue des Berrurier Noir puisque c'est Laurent, le guitariste, qui on va dire le musicien de base de ce groupe. Quand je dis de base, je ne veux pas dire qu'il n'y a que lui, hein, je veux dire que c'est lui qui va faire la base avec une énorme guitare qui va vraiment de la basse jusqu'aux aigus. La batterie, il n'y a pas de batterie, c'est une boîte à rythme. Alors je les ai vus en concert il y a quelques semaines et il me semble que c'est quand même une batterie électronique qui est parfaitement calée, c'est-à-dire sur leurs chansons, et que donc ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, sinon tout se décale et ça va partir en cacahuète. Donc ça, deux chanteurs sonneurs, les sonneurs, donc c'est ceux qui jouent de la cornemuse et ce genre de trucs, et un autre chanteur, du coup ils sont quatre dans le groupe. Sur cette chanson-là, la femme que vous entendiez, c'était une femme qui le suivait assez souvent, Louise Ebrel, qui les a suivis sur quelques concerts et quelques chansons, je crois que je crois qu'elle est morte malheureusement en 2016, voilà, d'après mes souvenirs. Et voilà, donc on a un mélange vraiment entre un punk vraiment, je veux dire, bas du front, mais dans le bon sens du terme, des années 80, mais très rameur de menhir, et avec un truc trad de breton, et surtout sur des rythmiques très bretonnes, très danse bretonne. Donc là, c'est une gavotte. Pour le coup, donc, qui est quand même quelque chose de assez réglementé, on va dire, dans le sens où c'est une rythmique particulière, etc. On peut pas faire une gavotte avec une autre rythmique. Et donc là, cette chanson-là est pensée pour être dansée en gavotte, donc par ceux qui savent danser, a priori les Bretons. Et voilà. Oui, le concert aussi assez particulier. Bon, déjà, c'est Laurent à la guitare qui va mener la danse, qui a un son monstrueux. Je crois qu'il est sur un gros ampli Marshall avec à peu près, je pense qu'il y a tout à fond à peu près, puisqu'en fait il est tout seul à faire vraiment toute la base de la musique, donc il peut se permettre, et donc même il est obligé d'avoir un son ultra massif. C'est presque frustrant même entre les chansons quand il envoie des petits presque comme ça, qui sonnent hyper bien mais qu'il ne refera jamais, parce que bah, c'est un punk des années 80, et donc il envoie juste des gros power chords. Des gros barrés, voilà, pour ceux qui voient plus ou moins ce que c'est, et c'est tout. Et à côté, donc, on aura les deux chanteurs, les trois chanteurs plutôt, et dont deux sonneurs qui vont après amener eux la mélodie et le chant. Autre petite particularité, c'est que ben ils tirent au sort les chansons qu'ils vont jouer. Alors, de ce que j'avais compris la dernière fois, ils ont 25 chansons, ils tirent au sort 5 par 5 les chansons, et ben voilà, ils vont c'est le public qui tire au sort les chansons qu'ils vont jouer. Ils en jouent 5, voilà, jusqu'à 15 chansons, peut-être 20 chansons, pas plus, et il y a des chansons du coup qu'ils ne vont pas jouer à chaque concert. Voilà, ça fait partie du jeu, ça les amuse, et en vrai pourquoi pas, ça pose une petite question aussi sur la mise en scène du truc, et voilà, ça casse un peu ce côté très très mise en scène des groupes qui aujourd'hui sont obligés de le faire, et je suis le premier à le faire, donc je vais pas leur cracher la figure pour ça. Ça pose aussi du coup cette question là de eux, cette liberté qu'ils ont de pouvoir simplement enchaîner les chansons dans n'importe quel ordre, et je trouve ça assez intéressant. C'était les Rameleurs de Menhir avec Menes Dao, c'était sorti en 2010, et c'était la chanson du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans été.mp3, notre émission sur Radio Culture, tout l'été, tous les jours, une chanson. Et aujourd'hui, on va écouter Ocean de John Butler. Thank you. John Butler avec la chanson Ocean, enfin chanson, le morceau Ocean, voilà l'espèce d'expédition d'Odyssée qui était cette chanson. Sorti originellement en 98 sur le premier album de John Butler Trio qui s'appelait simplement John Butler. Voilà, là ce que vous venez d'écouter c'est une version solo enregistrée en 2012. C'est bien un seul et unique personne qui l'a enregistré, pas en plusieurs fois, vraiment en live tout seul avec une guitare, quelques effets au pied et une stompbox. Une stompbox c'est quoi? C'est simplement une pédale sur laquelle on tape pour avoir un son de grosse caisse, un boum boum quoi. Donc voilà, il a une guitare 11 cordes. Donc toutes les cordes sont doublées à l'octave sauf la quatrième en partant du haut, donc le sol si j'ai pas de bêtises, qui n'est pas doublé. Pourquoi, je ne sais pas exactement, je pense que c'est une question d'harmonie, enfin bon ça commence à être un peu complexe et mathématique à partir de là. Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment une version solo, enregistrée de bout en bout, tout seul, par un seul homme. Voilà, bon déjà, la performance technique est assez incroyable, surtout en sachant que quand vous entendiez par exemple une mélodie d'un côté et une basse de l'autre, ben il tapait simplement avec une main sur les touches, quoi, comme pouvait le faire un piano, sauf que sur un piano ben, y a des maillets qui sont là pour faire ça à notre place. Là vraiment il tapait avec ses doigts, voilà un truc que je serais déjà incapable de faire avec deux mains. Lui il arrive tranquillement avec une main en tapant, et puis bah, ça dure un moment en plus, hein. Voilà, je suis absolument excité, cette chanson est vraiment incroyable. Ben, je vous conseille du coup d'aller la voir aussi par vous-même quoi, sur YouTube. Vous tapez John Butler, Butler c'est B-U-T-L-E-R pardon, et vous mettez Ocean, et vous allez voir, c'est une des premières vidéos qui va apparaître où il est vraiment tout seul avec quelques pédales et sa guitare 11 cordes. Voilà, c'est absolument démentiel ce qu'il avait fait ce jour-là. J'imagine qu'il a dû bien le préparer et qu'il a dû avoir après pas mal de crampes et de tendinites aux doigts et aux bras. Voilà, après vous pouvez aussi écouter, une fois que vous l'avez écouté, ça, la version originale 98, donc sur l'album John Butler, et puis après écouter John Butler Trio en général. C'est voilà, c'est un trio, donc le trio de John Butler qui lui est un Australien qui joue, ben, vous l'avez entendu, excessivement bien la guitare. C'est presque énervant à quel point ces gens-là peuvent bien jouer la guitare. Voilà, c'était Ocean de John Butler. Bon, je ne vais pas trop dire non plus, cette émission a duré assez longtemps avec cette espèce d'épopée qui était cette chanson. Et voilà, moi, je vous dis à demain pour la prochaine.